21. Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Bonjour à tous, bienvenue dans 21 Shuttle, votre podcast de badminton qui parle de l'actualité et de l'histoire de notre sport favori. Je suis aujourd'hui avec Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Et aujourd'hui on va commencer un concept que nous on a personnellement jamais fait et que dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui, récemment la BWF, donc la Fédération Internationale, a publié un tweet en disant de choisir son équipe all-time, son équipe, sa meilleure équipe de tous les temps d'un pays, en fait. Et il me semble que le premier, c'était la Chine. Et en fait, il fallait choisir le meilleur joueur de simple homme, de simple dame, la meilleure paire de double dame, la meilleure paire de double homme et la meilleure paire de double mixte de l'histoire de la Chine. Et c'est ce qu'on va reprendre aujourd'hui en améliorant ou du moins en modifiant un petit peu le principe, c'est-à-dire que on va citer les mentions, donc les joueurs qu'on n'a pas mis titulaires, mais qui auraient tout à fait pu l'être. Et on a décidé aussi de prendre un joker, un joueur coup de cœur, un joueur qu'on n'a pas pu placer dans notre équipe, mais qui a un palmarès ou qui mérite d'être cité. C'est très bien expliqué. Donc on va aller tableau par tableau. On commencera par vous expliquer qui on a choisi et pourquoi. Et ensuite, qui était en lice pour être choisi. Et voilà. Avant qu'on commence, je voulais juste préciser que ce qu'on va dire, c'est notre avis. C'est pas forcément une vérité générale. Des fois, Benoît et moi, on aura le même. Des fois, ce sera différent. Mais que voilà, c'est pas forcément ce sera ce que nous, on a choisi de mettre. Forcément, je précise aussi que c'est difficile de comparer et des fois impossible de comparer à travers les époques, donc on a essayé de le faire du mieux qu'on pouvait. Et que forcément, nous, on a une meilleure connaissance des joueurs récents. Mais ça veut pas dire que tous les joueurs qu'on a choisis seront des joueurs des 10 dernières années. On peut commencer tout de suite avec le simple homme, qui est finalement, je pense, la catégorie où il y avait le moins de suspense. Qui tu as choisi, Benoît, je t'en prie? Forcément, c'est Lindan, en fait. Même s'il y a eu de grands joueurs en Chine, il n'y a même pas débat, parce que Lindan, vous pourrez écouter notre podcast où on a essayé de lui rendre au mieux hommage, mais on en a fait notre plus grand joueur de tous les temps. Donc forcément, en équipe nationale de Chine, il est titulaire dans notre équipe. Et voilà, je pense que toi aussi, tu as fait le même choix, Ewan. Oui, exactement. Donc, comme Benoît l'a dit, on a fait un podcast uniquement sur lui, donc on va pas revenir en détail sur sa carrière, surtout que vous en connaissez les grandes lignes, mais 2 titres olympiques, 5 titres mondiaux, et surtout l'influence qu'il a en Chine et dans le monde. C'était impossible de ne pas mettre Lindan. Donc voilà, Lindan, notre choix de historique en simple homme. Oui, pardon. Ouais, juste sur Lindan, il me semble, je sais plus si on en a parlé dans le podcast Hommage Lindan, mais juste petit fait assez marrant, leur carrière avec Li Chongwei, donc la plus grande rivalité des 15 ou 20 dernières années de ce sport, a commencé en 2000 pour les deux aux Mondiaux Juniors, avec une médaille de bronze tous les deux sur le même podium. Donc voilà, c'était juste pour la petite info. Voilà, on peut passer à nos mentions. Depuis, il y a eu des matchs mémorables aussi contre Tofik Hidayat, contre Peter Gade. Mais on parlera peut-être d'eux quand on abordera leur pays. Mais là, c'est la Chine et c'est Lindan. Ensuite, les mentions, moi personnellement, je les ai pas classées. Hein, mais qui, pour toi, fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la Chine dans ce tableau? Oui, non, moi non plus, je les ai pas classés. C'est vraiment les joueurs qu'on n'a pas pu mettre titulaires, mais qui sont peut-être rentrés dans le débat à un moment donné. Alors le premier que je vais te citer, tu en parleras un peu en fin de vidéo, je pense, mais c'est Chen Long. C'est une évidence, même si on a dit qu'il n'y avait pas eu débat, on peut pas parler du simple homme chinois sans parler de Chen Long. Je vais pas trop développer parce que je sais que ça te tient à cœur et t'en parleras plus tard, mais le palmarès, le joueur, fait qu'on est obligé de le mentionner. Donc Est-ce que tu as une autre mention en simple homme? Oui, j'en ai plusieurs autres. Donc, bah, Chenlong, je l'avais écrit aussi, mais effectivement, il se pourrait que j'en parle plus tard. J'ai mis Chia Chuanse, donc le coach de Lin Dan, le coach mythique qu'on a vu après lui à tous ses tournois. Médaille de bronze au JO 2000, champion du monde en 2003. Il a aussi gagné les All England, la Sudirman Cup, les championnats d'Asie, les Finals. Quelques années avant Lin Dan, je trouve le précurseur, qui, même s'il n'a pas gagné les JO, reste un excellent joueur de simple, et il aurait peut-être une plus grande dimension si Lin Dan n'était pas passé après, mais aussi je pense qu'il y est beaucoup, même si on ne juge pas là les capacités de coach, je pense qu'il est beaucoup dans le succès de ses cadets. Donc voilà, je voulais le citer. Est-ce que tu en as d'autres ? Oui, du coup, effectivement, il méritait mention, le tien. Moi, j'ai Yang, alors beaucoup plus vieux, évidemment. Moi aussi, j'ai dû regarder des matchs sur YouTube en noir et blanc, pour me faire une idée. Double champion du monde en 87 et 89, champion olympique, du coup, à Séoul, c'était en 88, si je dis pas de bêtises, et le badminton était en exhibition, mais ça fait quand même un titre olympique. C'est un joueur qui allait très vite sur le court. Bon, évidemment, je vous passe les détails. Vous pouvez aller voir sur YouTube les vidéos, mais c'est quand même un autre monde, un autre sport, d'autres raquettes. Bref, c'était totalement différent, mais c'était un joueur qui était élégant à voir jouer et qui allait assez vite sur le terrain. Moi, j'en ai un dernier. Je voulais citer Chen Jin. En fait, Chen Jin, il fait partie pour moi de l'immense quantité de joueurs qui a dû vivre dans l'ombre de Lin Dan. Il a arrêté sa carrière en 2013. Donc pour moi, il était vieux. Pour moi, il était vraiment vieux. Alors qu'en fait, il est plus jeune que Lin Dan, mais il a eu une carrière deux fois plus courte, puisqu'il a joué de 2003 à 2013, donc 10 ans. Mais il a quand même gagné le médaille de bronze au JO 2008. Il a gagné les Mondiaux 2010 et les All England 2008 encore contre Lin Dan. Donc je trouve que c'est admirable. Et c'est un des seuls joueurs avec Chen Long qui a réussi à se développer, à gagner des titres dans l'ombre de Lin Dan. Donc même si c'est du coup loin d'être le meilleur joueur de l'histoire de la Chine, je voulais le citer. T'as raison, ça mérite. Il fait argent en 2009 aussi, face à Lin Dan d'ailleurs, il me semble. Et ouais, l'or, comme tu viens de le dire, à Paris en 2010, qui est quand même en plein dans le meilleur de ce qu'a donné Lin Dan. Donc c'est pas rien. Effectivement, ça mérite. Oui, puis gagner des mondiaux quand Li Chongwei et Lin Dan existent et sont à leur top, c'est notable. C'est vrai que c'était une surprise. On peut passer, je pense, au simple dames, à moins que tu aies un dernier joueur. Non, je pense qu'on peut effectivement passer au simple dames, où là aussi, ça va parler titre olympique. Je t'en prie. Quel est ton choix en simple dames ? Là aussi, encore assez évident, même si forcément, quand on regarde le palmarès de tout le monde, on se dit qu'il y a beaucoup de titres olympiques. C'est Zhang Ning, qui est double championne olympique en 2004 à Athènes et en 2008 chez elle à Pékin. Je te laisse en parler un peu, vas-y, dis-nous ce que... Ouais, c'est mon choix aussi. Une joueuse qu'on connaît moins que Lin Dan, parce que c'est un peu plus ancien. Moi, il y a deux choses qui me frappent quand on regarde sa carrière. Déjà, c'est le timing. Elle a gagné son premier titre olympique donc en 2004 à 29 ans, et le deuxième à 33 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire, je trouve, en simple. Donc, 5 médailles aux mondiaux, dont une en or. Mais l'autre chose, au-delà du palmarès et des chiffres, c'est son style de jeu. Je vous pousse à aller regarder de ses matchs, donc Zhang Ning. Je la trouve très très très impressionnante, et personnellement j'adore son style de jeu. Elle a une technique qui est incroyable, un peu ce qu'on disait sur Lin Dan dans le podcast qui lui est dédié. C'est pas celle qui va le plus vite, mais par contre elle dicte l'échange avec une facilité. En fait, voilà, le mot qui lui sied le mieux, c'est facilité. Je trouve que on a l'impression que tout est très très simple pour elle, mais ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Je pense que t'as résumé exactement mes notes. C'est pas du tout la chose la plus spectaculaire que j'ai pu voir. Par contre, en termes d'anticipation, de variation de coups et de trajectoire sur le terrain, c'est tout bonnement incroyable ce qu'elle est capable de faire, et c'est exactement du coup ce que tu as dit, donc on est assez d'accord là-dessus. On va peut-être en parler dans les mentions, mais quand on regarde jouer Zhang et aussi du coup son adversaire des JO 2008, on va en parler, mais ce que je trouve impressionnant, c'est que ça a l'air moderne. Il y a certains matchs d'il y a 10-15 ans, quand on les voit, on se dit qu'aujourd'hui le bad a changé, alors que là, je trouve que ça pourrait très bien être un match de 2019 par exemple. Mais je t'en prie, vas-y. Non, exactement. Elle a un côté. Elle a quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui chez. Alors à une échelle différente, mais par exemple chez Tai Tsuying, cette capacité à varier beaucoup les trajectoires et à beaucoup anticiper les coups des adversaires, et qu'on retrouve pas forcément chez les joueuses chinoises actuelles. Je suis d'accord. Tes mentions du coup. Ouais, du coup, ma première mention, c'est Han Haiping. Alors. Joueuse qui a évolué entre 80 et 90, donc forcément, il a fallu remonter dans les archives et regarder du noir et blanc, encore une fois, parce que forcément, on n'a pas eu la chance de l'avoir joué. Mais on parle quand même d'une joueuse qui a 3 titres mondiaux, 2 en simple et 1 en double, ce qui est quand même aujourd'hui impossible à voir une joueuse ou un joueur qui joue en simple et en double, et c'est assez remarquable. Elle a gagné cette fois la Coupe du Monde, qui était à l'époque un tournoi disputé sur invitation avec les meilleurs joueurs. Elle a 6 médailles mondiales. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur elle? J'imagine que tu l'avais aussi dans tes mentions. Ouais, en fait, moi je l'ai mis indissociable de Li Lingwei. J'avoue que j'ai un peu fait un package, puisque en se renseignant un peu, on voit qu'en fait, à L2, en fait, elles ont tout simplement dominé toutes les années 80. Elles ont gagné des titres de championne du monde. Donc, on rappelle aussi que les JO n'existaient pas à l'époque. Tout à l'heure, tu as fait mention des JO de 88, mais le BAD est officiellement apparu en 92 à Barcelone. Au JO, donc avant, on va forcément pas parler de titre olympique puisque ça n'existait pas. Mais donc voilà, Han Haiping et Li Lingwei, à L2, elles ont dominé le circuit de simple, elles se partageaient les titres pendant cette période. Et en plus, ce qui est assez extraordinaire, t'en as fait mention, c'est qu'elles jouaient en double à deux. Donc là aussi, elles ont été championnes du monde. Et c'est pour ça que moi je les ai mis à deux, parce que à L2, voilà, c'est un peu le symbole d'une époque en simple dames. Exactement. D'ailleurs, tu parlais des JO de Séoul, où le badminton est en exhibition. Han Haiping est bon sur la fin de sa carrière, certes, mais fait quand même médaille d'argent. Et même si c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de tournoi olympique biaise un peu notre classement, parce que c'est tellement important quand on parle de Chine, on parle titre olympique. Cette médaille d'argent vient quand même clôturer une magnifique carrière. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur l'importance de la médaille olympique. C'est vrai que moi, ça a souvent fait la décision quand il fallait choisir les meilleurs joueurs de l'histoire. Ensuite, je vais enchaîner avec une autre mention qui est liée à Zhang Ning, à qui je parlais tout à l'heure. C'est celle contre qui Zhang Ning a gagné la finale des JO 2008. C'est Shi Xingfeng, 2 fois championne du monde d'affilée, quand même assez notable. En 2005-2006, elle a gagné 2 fois les All England. Et elle a globalement dominé le circuit avant les JO 2008. Elle a gagné 7 titres rien que sur l'année 2007. Et c'est pour ça que cette victoire dont on parlait tout à l'heure de Zhang Ning en finale des JO était assez surprenante. D'une, parce que Zhang Ning avait 33 ans, alors que Shi Xingfeng avait 4 ans de moins, il me semble. Mais surtout parce que voilà, c'est sa compatriote qui a dominé le circuit cette année-là. Elle était très très forte. Pour le coup, elle, style différent, je ne sais pas ce que tu en penses, je la trouve très très rapide. Elle bouge très très vite alors qu'elle est assez grande, et voilà, c'était une belle opposition de style. C'est ça. Je suis pas un grand fan de la façon dont elle joue sur le court, parce que peut-être le fait qu'elle soit grande impose un style. Elle est d'une rare efficacité, ça, il n'y a aucun débat là-dessus, mais elle fait un peu désarçonner quand elle se déplace. Mais pour une joueuse de sa taille, c'est effectivement assez impressionnant ce qu'elle est capable de faire. J'avais noté, tu as parlé des All England, elle gagne 3 All England d'affilée entre 2005 et 2007, ce qui est assez fou, en plus de ses 2 titres mondiaux en 2005 et 2006. Donc voilà, je pense que ça méritait largement d'être cité, même si elle est tombée sur peut-être ce qui se fait de mieux en simple dame dans l'histoire du badminton. Je suis d'accord, mais c'est sa régularité qui est aussi impressionnante. Entre les deux JO 2004-2008, cette période, elle a été vraiment très impressionnante. Du coup, je voulais parler de Ye Zhaoying. Donc, on parlait beaucoup des médailles olympiques. Elle a fait le bronze au JO, mais sinon, elle est double championne du monde. Et globalement, elle a plus de 20 titres en carrière et 5 finales de All England, dont 3 gagnées. Donc, quand même, c'est quand même... je pense qu'il fallait le mentionner. Donc, c'est une époque un peu d'entre-deux. D'entre-deux pour la Chine, mais c'est toujours notable. Je ne sais pas si tu l'avais mis aussi. Non, je ne l'avais pas noté, mais j'en ai une autre que j'aurais aimé mettre titulaire dans mon équipe all-time de la Chine, c'est Li Shuirui. Alors, c'est la plus jeune de toutes les joueuses qu'on vient de citer, parce que c'est la dernière à avoir arrêté sa carrière l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'est pas terminé comme ça aurait dû se terminer. Championne olympique 2012 à Londres, c'était clairement l'héritière de Zhang Ning. Alors, pas dans le style de jeu, mais la Chine en avait fait son avenir. Médaille d'argent au Mondiaux 2013, médaille d'argent au Mondiaux 2014. Ces deux finales, je pense qu'on peut dire légendaires qu'elle perd. Elle a un palmarès incroyable. Mais à 25 ans, rupture des ligaments croisés au JO de Rio, si je dis pas de bêtises, face à Carolina Marin. Donc, passation de pouvoir qui aurait pu se passer autrement peut-être, mais qui a brisé la carrière de Li Shuirui, qui était numéro 1 mondial à cette époque-là. Et malgré un retour dans le top 30 mondial ces deux dernières années, elle n'est jamais vraiment revenue au niveau incroyable qu'elle avait. Donc moi, ça me tenait beaucoup à cœur d'en parler. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur elle. Oui, je l'ai mise aussi. Et je trouve ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'entre le moment où elle s'est blessée et le moment où elle est revenue, le niveau du simple dame n'a peut-être pas augmenté, mais en tout cas, il s'est densifié. Maintenant, pour se faire une place dans le top 8 du simple dame, c'est extrêmement difficile. Entre les deux joueuses japonaises, les joueuses indiennes, Carolina Marin et Tai Tsuying, qui restent pour moi les deux meilleures, PV Sindhu qui est capable d'énormes exploits, c'est sans parler même d'Intanon ou autre, mais c'est très très compliqué de se faire, on va dire, une place au soleil dans ce tableau, et c'est vrai que son retour, il était compliqué. Moi, je l'avais mise aussi, en fait dans le même, pour moi, elle est dans le même bateau que Gong Xichao, qui est championne olympique en 2000, et en fait, je les ai mises dans la catégorie joueuse championne olympique qu'on ne peut pas mettre meilleure joueuse de tous les temps. Donc ça paraît un peu un crève-cœur de pas mettre des joueuses qui ont gagné l'or au JO, mais voilà, Gong Xichao, même là il n'y a pas eu d'histoire de blessure, mais elle a jamais réussi à continuer là-dessus. Elle est championne du monde en 2000, championne olympique du coup en 2000 à Sydney. Elle a échoué deux fois, enfin une fois en finale des championnats du monde en 97, en 2001 elle fait demi. Mais voilà, pour moi pas la même histoire, mais le même genre de palmarès. On peut passer du coup au double homme, où avant qu'on dise les noms, je trouve que le paradigme est un peu différent, puisque on a moins de... Pour moi, le choix était beaucoup plus réduit. On a moins de joueurs qui ont gagné beaucoup de titres. Par contre, les meilleures paires chinoises ont vraiment écrasé tout sur leur passage. Est-ce que tu peux me dire celle que tu as choisie ? Oui, en toute logique, Kai Yun et Fu Haifeng. Je vais te laisser en parler parce que je sais aussi que c'est une paire que tu apprécies beaucoup et tu as beaucoup apprécié. C'est une des plus grandes paires de tous les temps, si ce n'est toujours dans un débat, peut-être une des trois plus grandes ou la plus grande en fonction de la vie de chacun. Mais je vais te laisser développer sur cette mythique paire chinoise. Moi qui adore le double homme, c'est effectivement un des symboles de la toute puissance chinoise de cette époque. Au-delà de leur palmarès, dont on parlera peut-être après, je trouve que c'est les voir sur le terrain, c'était vraiment fantastique, parce que j'ai rarement vu une paire aussi complémentaire déjà, avec Kai Yun qui était vraiment monstrueux au filet, et Fu Haifeng qu'on ne présente plus, qui a vraiment une des plus grosses frappes du circuit. Voilà, les voir jouer, c'était vraiment un régal. Ils avaient cette impression de puissance, cette impression, voilà, de... Ils montraient qu'ils étaient vraiment au-dessus. Une finale olympique en 2008, perdue à domicile. Ils se rattrapent 4 ans plus tard à Londres avec le titre en finale contre Bo Mogensen. De nombreux titres de champion du monde, des titres Super Series à l'appel. Voilà, pour moi, choix très facile à faire. Oui, pareil pour moi. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même cette défaite en 2008 qui vient ternir, entre guillemets, une carrière incroyable. C'est peut-être une des plus grosses défaites pour le badminton chinois dans son histoire, en fait, parce que autant Lindan vient gagner son premier titre à Pékin, premier titre olympique, autant Kaiefu. Ils doivent gagner leur premier titre en fait. Ils sont grands favoris et cette défaite elle est assez terrible. Alors on va pas s'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de victoires, notamment les trois titres mondiaux consécutifs en 2009, 2010 et 2011 et le quatrième c'était le premier en 2006. Mais voilà, c'est vrai que cette défaite a été mal vécue par le badminton chinois. Ouais, c'est d'autant plus impressionnant qu'ils arrivent à, on va dire, voilà, à corriger le tir, Exactement, rectifier le exactement. tir plutôt 4 ans plus tard à Londres. On pourrait beaucoup parler sur eux, on peut simplement dire que Fu Haifeng ne s'est pas arrêté là puisqu'il est encore champion olympique 4 ans plus tard à Rio avec nul autre que Zhang Nan. Fu Haifeng qui avait dit qu'il arrêtait sa carrière, après il a repris. Kai Yun, on l'a revu un peu sur les terrains. Mais voilà, pour moi, ils sont très symboliques de la puissance chinoise de l'époque où ils jouaient, c'est-à-dire années 2000-2010. Choix assez, voilà, assez facile. Ensuite, dans tes mentions, moi j'en ai pas énormément, mais je sais qu'il y a une paire qu'on a notée tous les deux. Est-ce que tu veux bien en parler? Alors, est-ce que tu parles de... Ah, c'est une question piège, mais c'est peut-être Li Yongbo dont tu me parles? Oui, non, c'est totalement eux, il n'y a pas de C'est Li piège. Yongbo. Alors, avant Li Yongbo, du coup, tu viens de mentionner Fu et Zhang, qui sont champions olympiques en 2016, ce qui est assez fou parce que le partenariat des deux, il dure 3 ans, et en 3 ans sur le circuit, il y a 3 titres, ce qui, à ce niveau-là, pour une paire championne olympique, est quand même pas fameux, mais ils sont allés chercher un titre olympique... Ils étaient là la semaine où il fallait être là, donc oui, donc encore une fois, Fu a complété sa carrière. Zhang Nan, j'en parle avant Li Yongbo parce que c'est vraiment des petites mentions et que Li Yongbo est une énorme mention. Zhang Nan, Ouais, bah je l'ai mis aussi, Zhang Nan, voilà, mais avec voilà, Liu mais Cheng, je suppose. ouais, bah pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire un champion Oui, olympique avec voilà. Fu Haifeng et champion du monde avec Liu Cheng, quasiment à la surprise générale, alors qu'on parle quand même de Zhang Nan, quoi. C'est ça. Bah, c'est surtout qu'on parle de Liu Cheng en fait, parce que Zhang Nan était là, mais Liu Cheng était disons moins entendu, même si en mixte avec Bao Yixin, je crois, ils ont quand même quelques médailles, deux médailles mondiales, si je dis pas de bêtises, mais oui, ça reste mineur. Du coup, avant de parler de Li Yongbo, est-ce que tu veux parler de Li Liu vite fait? Je vais te laisser en parler. Pour moi, Li Liu, c'est une paire qu'on a peut-être vue trop belle assez vite. Voilà, ils ont explosé très tôt. Mais ils ont un obstacle qui s'appelle Gideon Sukamulyo sur leur route, qui ont le style de jeu qui leur plaît pas. Pour moi, à voir, mais ça va vraiment être compliqué de gagner des titres majeurs dans les années à venir. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis assez d'accord, il y a un titre de champion du monde en 2018, ce qui est relativement honnête, mais peu pour des joueurs chinois. Style de jeu atypique, de géant. Mais c'est vrai qu'avec Gideon Sukamulyo, ils sont incapables de trouver des solutions. Double champion d'Asie 2017-2018. Je suis pas un grand fan pour des raisons pas extra-sportives mais sportives. Enfin, si tenter qu'on puisse appeler ça du sport, quand des pairs comme ça lâchent des matchs assez vulgairement, mais voilà. Donc Oui, après, c'est pas les premiers chinois ni les derniers à le exactement. faire, mais je suis d'accord avec Mais ça toi, c'est contribue arrivé aussi, plusieurs voilà. fois avec eux. Ça contribue aussi au fait qu'on les cite, mais j'ai du mal à croire qu'un jour. Il puisse être mieux qu'une mention. T'as beaucoup parlé de Li Yongbo, je t'en prie, peut-être les plus jeunes le connaissent en tant qu'entraîneur, légendaire de la Chine, mais c'est vrai que c'est d'abord un excellent joueur. C'est ça, parce que on parle du joueur, mais c'est vrai que Li Yongbo, nous les premiers, on le connaît comme entraîneur de la Chine, il a. Pendant 24 ans, je crois, jusqu'en 2017. C'est lui, en fait, souvent qu'on voit sur les images de Lindan. Alors, c'est pas lui le principal entraîneur, mais c'est lui qu'on voit sur la chaise. Et il a été joueur. Il est champion olympique avec Tian Bingyi Alors, ils sont champions olympiques en 88, quand le badminton était encore exhibition aux Jeux olympiques. Ils sont champions. Voilà, donc une victoire un peu non officielle, mais qui a quand même le mérite d'exister. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à l'affilier à un titre olympique parce que c'était olympique. C'est pas compté comme un titre olympique, mais le fait qu'ils aient gagné ce tournoi, pour moi, ça compte beaucoup. Oui, c'est pas un tournoi de secteur, c'est quand même les Jeux olympiques. Exactement. Il y a deux titres de champion du monde, donc en 87-89 aussi, deux autres médailles mondiales, des Jeux d'Asie en 90, plusieurs Sudirman Cup, plusieurs All England, plusieurs Thomas Cup. Trois All England, ouais. Exactement. Effectivement. Ouais. C'est ça, donc ça méritait largement d'être cité, et même si ça rentrait difficilement en débat avec Cahier Fou, ça méritait largement d'en parler un peu. Voilà, alors pour moi, c'est un des plus gros problèmes que j'ai eu dans ce truc, même si j'ai plusieurs fois dit que Cahier Fou, c'était indiscutable pour moi. C'est vraiment difficile de comparer ces deux paires parce que c'est deux époques totalement différentes. Le fait qu'il n'y ait pas eu de vrais Jeux Olympiques à l'époque de Li et Tian, c'est vrai que c'est dur à comparer, mais je suis totalement d'accord, ça reste une des meilleures paires de l'histoire de la Chine. Ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai un peu dit au début. Ce qui m'a frappé en faisant les recherches pour ce podcast, c'est à quel point il y avait peu de paires chinoises, finalement, qui ont été vraiment performantes à travers l'histoire. Alors, il y en a eu des très très bonnes, mais au final, en dehors de Li Tian et Cai Fu, il y a eu peu de paires qui ont vraiment dominé. Bon, il y a eu Zhang Fu un petit peu, qui ont vraiment dominé leur époque. Mais par contre, encore une fois, celles qui ont dominé, c'était vraiment une puissance sans partage. Oui, c'est vrai que là, il y a tellement de niveaux sur les autres tableaux en Chine que forcément, quand on voit qu'on a deux ou trois paires à citer, c'est des choix de riches. Et c'est vrai qu'en double homme, la Chine a finalement pas eu des dizaines ou de nombreuses grandes paires dans l'histoire. Voilà, alors que je pense que si t'as plus rien à ajouter, on peut faire la transition avec le double dame, où là, pour moi, c'est tout l'inverse. Des joueuses chinoises, des paires de double dames performantes, il y en a eu vraiment énormément. Effectivement, là, vous pouvez vous asseoir, ça va parler de titres olympiques et titres mondiaux. C'est ce qu'on disait un peu en rigolant en préparant ce podcast, c'est qu'on a vraiment dû laisser de côté des championnes du monde. Sans titre olympique, c'était difficile d'être cité, il y a vraiment une énorme concurrence. Oui, c'est clair qu'en faisant des recherches... au moment de faire mon choix, je suis tombé sur une paire qui était double championne olympique et je me suis dit ah bon et eh bien finalement on peut pas passer à côté, donc on est toi comme moi, je pense qu'on est allé regarder des vidéos YouTube et on a dit bon ben je pense qu'en finalement le choix se fait naturellement. C'est celle que j'ai choisie aussi, donc je te laisse les présenter. Du coup, c'est Gefei et Gu Chun qui ont joué dans les années 90, donc elles ont dominé. Elles ont clairement même dominé la fin du XXe siècle, donc elles ont dominé pendant plus de 5 ans, avec des stats tout simplement incroyables. Elles ont été numéro 1 mondiale, elles ont 2 JO, 2 titres olympiques à leur actif, donc c'est Atlanta et Sydney, 96 et 2000, 2 titres de championne du monde, 97-99, 3 Sudirman Cup, 2 Uber Cup, 2 Jeux d'Asie, 1 individuel et par équipe, 4 championnats d'Asie. Tout bonnement, un palmarès assez conséquent. Bon, elles ont gagné tout ce qu'elles avaient à gagner, quoi, on peut le dire. Exactement. je les ai choisies aussi, j'ai regardé un peu. Moi, ce qui m'impressionne, au-delà de tout ce que tu as dit, c'est les Super Series. Elles ont 35 victoires en Super Series et ça, c'est quand même assez dingue. Je trouve que ça montre... En fait, les titres olympiques et les titres mondiaux, je trouve ça, c'est bien, mais c'est moins révélateur sur la domination qu'une paire a sur son tableau des titres au long de l'année. Quoi. Et 35 titres, donc entre 93 et 2000, donc sur une période qui n'est pas non plus... 7 ans, c'est énorme d'être capable de dominer sur 7 ans. C'est vraiment... oui, c'est ça qui est... Je trouve ça extraordinaire. Donc au début, je suis d'accord avec Benoît, c'est un peu au début, je ne les avais pas mis numéro 1, puis finalement je me suis dit c'est impossible de ne pas les mettre en numéro 1. Déjà, garder son titre olympique, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'en double, c'est encore plus compliqué qu'en simple. Donc voilà, véritable exploit, et on était obligé de les mettre numéro 1. C'est ça, parce que je reviens rapidement sur ce que tu disais, mais elles ont dominé entre 93 et 2000 sur le circuit. comme un certain Li Chongwei dont on parlera, on aura l'occasion de parler un autre jour, mais elles ont aussi dominé comme Lindan, leurs compatriotes, dans les grandes compétitions. Et ça, être capable de faire les deux, c'est tout simplement incroyable. Et pour avoir regardé des images d'elles, c'est un jeu qui pourrait s'adapter aux doubles dames actuelles. Et c'est ça que je trouve encore plus fort, parce que c'était il y a presque 30 ans. Et rares sont les joueurs qui, avec leur jeu, pourraient s'adapter aujourd'hui. Je suis d'accord. Il y a toujours cette impression de puissance et de maîtrise. C'était pas forcément le plus spectaculaire, mais par contre, c'était diablement efficace. Ensuite, le choix a été difficile. Qui a d'autres dans tes mentions, tout simplement ? D'abord, j'ai envie de mentionner c'est une petite mention entre guillemets, mais je vais quand même le citer. C'est Lin Ying et Guan Weizhen. Alors, je vais pas vous mentir, avant de chercher sur Wikipédia, voire même sur YouTube, je ne les connaissais pas. Pourtant, il y a une médaille d'argent donc au JO non officiel de Séoul en 88. Il y a deux titres de champion du monde. 5 médailles mondiales entre 83 et 91, donc c'est encore plus vieux que Gefei et Gujun, donc c'est la décennie d'avant, donc encore plus dur de trouver des images, mais voilà, je voulais quand même les citer parce qu'il y a beaucoup de médailles mondiales et elles aussi ont dominé sur une période plus courte, mais ont dominé leur temps. Tu fais bien de les citer parce que c'est vrai que c'est pas des joueuses que moi je connais non plus. Mais elle mérite d'être citée. Je vais passer moi à des joueuses qu'on connaît beaucoup mieux puisque c'est plus récent. Et c'est celles qui m'ont fait hésiter. C'est le choix le plus difficile. C'est Zhao Yunlei et Tian Qing qui sont championnes olympiques, qui ont 6 médailles mondiales quand même, dont 2 en or. 2 en argent et 2 en bronze. Elles ont gagné En fait, là aussi, elles ont quasiment tout gagné. Elles ont gagné les championnats d'Asie, les Jeux d'Asie. Elles ont une vingtaine de victoires sur le circuit. Donc voilà, le deuxième titre olympique de Gefei et Gujun a fait la différence, mais un palmarès extraordinaire. Je sais que Zhao Yunlei, on va en reparler de toute façon dans ce podcast, parce qu'elle est aussi extraordinaire en mixte, mais voilà, un des choix les plus difficiles. Ouais, je te rejoins, moi c'est une de mes paires que j'ai le plus aimé dans l'histoire du double dame, alors forcément ça c'est compliqué de pas les mettre, mais en même temps, quand tu regardes le palmarès des joueuses qu'on a mis titulaires dans notre équipe all-time, il n'y a finalement pas vraiment de discussion, même si le choix du cœur a été compliqué à contrarier. J'aimerais citer du coup, même si j'en reparlerai plus tard, Gao Ling et Wang Sui. Le choix a aussi été difficile pour moi avec elle. Du coup, médaille d'argent au JO de 2004. 3 fois champion du monde, ancienne numéro 1 mondiale, pareil, des Jeux d'Asie, des Sudirman Cup, des Uber Cup, mais elles sont tombées à Athènes, là où elles auraient pu finalement rentrer dans ce débat d'être titulaires. Elles ont perdu une finale olympique. Pour moi, ça a joué beaucoup. Et il y a un fait aussi que j'avais noté sur elles, c'est les 6 All England consécutifs. Tout simplement fou. Un seul dans l'histoire l'a fait, Rudy Hartono, l'Indonésien en simple. Donc ça arrivera peut-être plus jamais. Donc je pense que c'est un fait notable. Là, je voulais parler d'une joueuse plus que d'une paire, c'est Yu Yang. Alors pour moi, j'ai hésité. Bon, on voulait choisir une paire, mais j'ai hésité à la mettre meilleure joueuse de l'histoire du bat chinois dans son tableau, parce que elle a été au-dessus avec 2 voire 3 partenaires différentes. Sa partenaire la plus connue, avec qui elles ont eu le plus de succès, c'est Du Ying. Donc elles ont gagné les JO, les Mondiaux, le All England. Je parle des JO 2008. Ensuite, elle a joué avec Wang Jiaoli, et donc là, elle a été éliminée des JO 2012 dans l'affaire de la triche. On parlait de Li Yongbo tout à l'heure, c'est lui qui avait avoué qu'ils avaient arrangé des matchs entre paires chinoises et coréennes, donc éliminée des JO 2012. Mais elles ont gagné 2 mondiaux, et finalement elle a joué aussi avec Tang Yongting, et donc là à 30 ans elle a quand même gagné un China Open et elle était encore en finale de All England 2016, donc la longévité est quand même assez impressionnante. Au total, elle a gagné 36 victoires en Super Series. C'est le fait qu'elle l'ait faite avec trois partenaires différentes que je trouve très impressionnant et qui fait que c'est pour moi une des meilleures joueuses de l'histoire du double dames. Bah écoute, j'ai pas grand chose à rajouter sur Yu Yang. C'est vrai qu'on en a parlé en préparant ce podcast et même auparavant. En fait, ce qui me gêne un peu et qui m'empêche de la mentionner, voire même de la mettre titulaire, c'est le fait qu'il n'y ait pas cette paire mythique, puisqu'elle a eu trois partenaires différentes avec qui elle a gagné les trois, ce qui montre qu'elle est incroyable parce qu'elle a été capable de gagner avec trois joueuses différentes, mais il n'y a pas cette paire mythique qui a marché sur le bad pendant plusieurs années. Bah moi justement c'est l'inverse, c'est ce qui m'a fait encore plus la mettre, parce que je me dis que effectivement on peut pas parler de paire mythique, mais on peut parler de joueuse mythique quand elle arrive à gagner avec autant de partenaires différents, et on sait que quiconque a joué en double sait que c'est difficile de s'adapter, surtout à ce niveau-là quoi. C'est vrai. Dans le même genre, je voulais citer Zhang Yawen, qui a gagné le bronze aux Jeux Olympiques et qui a aussi eu trois partenaires et qui a eu des médailles mondiales avec trois partenaires différentes, dont une victoire. Donc voilà, je voulais la citer. Je ne sais pas si tu l'avais retenu. Non, je ne l'avais pas noté, mais tu as raison de le mentionner. Elle mérite aussi. Ouais, elle fait médaille de bronze aux JO de 2008 et les championnes du monde en 2009. Est-ce que tu as encore des joueuses de double dame à évoquer ? Non, je pense que pour moi, on a fait le tour en double dame. Ah oui, moi aussi, j'avais mis aussi Zhang Jiewen et Yang Wei qui ont gagné les JO 2004 et les Mondiaux 2005-2007. C'est quand même horrible de ne pas noter des joueuses championnes olympiques. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient pouvoir se le permettre. C'est ça qui est vraiment dingue, et surtout dans ce tableau, c'est qu'on a dû laisser des côtés des joueuses qui sont vraiment incroyables. Donc, vous qui écoutez ce podcast, ne nous en voulez pas si on a laissé de côté des joueuses ou des joueurs qui peuvent être vos chouchous et que vous estimez être importants. C'est que le choix a vraiment été difficile, et là, on est obligé de mentionner au passage comme ça des championnes olympiques, mais ça montre à quel point la Chine est impressionnante. Le mixte, du coup. Et là, encore, le choix a été difficile, je crois. Oui, effectivement, on va donner notre choix, mais pour moi, ça a été le plus gros débat de cette équipe nationale chinoise all time. Moi, j'ai mis Zhang Nan et Zhao Yunle. Alors, je sais, Ewan, que pour toi aussi, le débat a été terrible, mais dis-nous qui t'a mis titulaire dans ton équipe. Bah moi aussi j'ai hésité, mais j'ai choisi de mettre Gao Ling et Zhang Yun. J'ai aussi hésité avec Zhang Zhao. Est-ce que tu peux expliquer, vu qu'on a tous les deux hésité entre les deux mêmes paires, on a fait un choix différent, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là ? Alors déjà, c'est vraiment le seul tableau où j'ai mis deux paires côte à côte et je me suis dit pourquoi plutôt une que l'autre. Pour moi, Zhang Nan et Zhao Yunle font partie des meilleurs joueurs de double chinois de l'histoire. Donc, que ce soit en mixte ou en double dame pour Zhao Yunle et en mixte et en double homme pour Zhang Nan. En fait, ils étaient capables de jouer sur deux tableaux, d'être médaillés olympiques et mondiaux sur deux tableaux. Pour moi, il y a eu hésitation d'abord parce que en 2012, Zhang Nan et Zhao Yunle sont champions olympiques, mais ils perdent leur couronne en 2016. Alors que Zhang Jun et Gao Ling, que toi, t'as mis titulaire, il y a deux médailles d'or olympiques. Et c'est vrai que on a dit que les médailles d'or olympiques comptaient beaucoup, et au final j'ai quand même choisi une paire qui n'en avait qu'une, parce que aussi Gao Ling et Zhang Jun n'ont qu'un titre mondial contre trois pour Zhang Nan et Zhao Yunle. Je sais pas si toi c'est ça qui a pesé les titres olympiques dans ton choix. Explique-nous pourquoi plutôt Zhang Jun et Gao Ling que Zhang Nan et Zhao Yunle. C'est totalement le titre olympique qui a pesé, même si le cœur et la connaissance pour moi elle est plus du côté de Zhang Zhao vu que je les ai plus vus jouer. Oui, donc Gao Ling et Zhang Yun, je suis resté sur les mêmes critères, donc je les ai pris parce qu'ils ont fait. On parlait tout à l'heure de la difficulté de garder ton titre olympique en double, même en simple d'ailleurs, et eux l'ont fait du coup en 2000 et 2004, pardon. Pourquoi j'ai hésité dans ce cas-là ? Parce que Alors, ce que je trouve plus impressionnant, c'est que Zhang Zhao, j'ai trouvé tous les deux incroyables. Alors que je dois dire que Gaoling et Zhang Yun, je trouve que Gaoling est beaucoup plus forte dans son domaine que Zhang Yun, que je trouve très bon. Il avait une bonne patte gauche, un gros match. Mais je le trouve un peu en dessous, c'est totalement subjectif, c'est totalement juste mon avis. Mais voilà, je trouvais que Zhang Zhao était peut-être plus, plus tous les deux au-dessus dans leur domaine. Mais j'ai choisi, voilà, les deux titres olympiques. Ils ont mérité d'être dans mon équipe, je pense. Non, mais je te rejoins sur le fait que Zhang Nan et Zhao Yunlei ont révolutionné le mixte. Et le mot est fort, mais j'ai pas peur de le dire. Et je pense même qu'aujourd'hui, c'est une toute petite mention, mais Zheng Ziwei et Wang Yakong. Et merci, j'avais un trou de mémoire. Sont en termes de jeu et de ce qu'ils amènent au BAD, les héritiers en fait de Zhang Nan et Zhao Yunlei. Et rien que ça. Je trouve ça incroyable que cette paire soit dans la lignée de Zhang Nan et Zhao Yunlei, et ça m'a fait aussi faire ce choix, parce que Gaoling, oui, elle est très forte, mais Gaoling est très forte en fait. Gaoling est très forte en double dame, en double mixte, j'en parlerai dans quelques minutes, mais c'est peut-être un des plus beaux palmarès de l'histoire du double chinois et du double dans le badminton. Et en fait, ce qui m'a fait pencher, c'est que ce que tu as dit, c'est que c'est surtout elle. Même si je suis très loin de dire que Zhang Jun n'est pas un joueur de bad, mais je trouve qu'il y a moins d'homogénéité dans la paire. Mais justement, moi j'ai un peu le même avis sur Zheng Wang, que j'ai mis aussi dans mes mentions, mais je trouve que Zheng Ziwei, on va dire, il attire un peu la lumière sur lui, et c'est un peu ce qui s'est passé avec Gaoling et Zhang Jun. Bon, cette fois c'est l'inverse, mais je trouve que voilà, c'est surtout lui qui est vraiment exceptionnel. Et voilà, Zheng Ziwei, quand il était avec Chen Jingkan, il gagnait déjà. Là, il avait notre partenaire, il gagne encore. Donc, bon, je dis pas que c'est mal, c'est très bien pour eux, c'est une très très bonne paire, incroyable même. Mais voilà, je trouve qu'il y a moins d'homogénéité dans la paire que Zhang Zhao à leur époque. Est-ce que tu as une mention à ajouter ? Non, encore une fois, pour le mixte, un peu le même avis qu'en double homme. Moins de paires très très bonnes, mais par contre dès qu'il y en a une, c'est du top mondial de l'histoire, quoi. Alors moi j'en ai une petite, si tant est que ce soit une mention, qui sont tombées sur la même génération que Zhang Nan, Zhao Yunlei, c'est Xu et Ma. Alors Ma Jin, elle a un titre mondial en mixte à Paris en 2010, mais avec Zheng Bo. Sauf que ensemble, Xu et Ma, c'est 4 médailles mondiales, argent en 2013-2014, bronze en 2011-2015, argent au JO 2012 à Londres, ce qui constitue peut-être une des plus grosses défaillances en finale des Jeux Olympiques, entre guillemets. Ils ont été dans l'ombre de Zhang Zhao pendant plus de 5 ans. Un peu comme Wang Wang aujourd'hui. Exactement, et pourtant c'est des paires qui sont bourrées de talent, mais ils n'ont pas aussi, eux, contrairement à Wang Wang aujourd'hui, Xuma ont eu l'opportunité de gagner. Alors il me semble que c'est au Mondiaux 2013 face à Ahmad Natir, où ils ont deux volants de match dans le troisième set et ils craquent complètement. Donc c'est vraiment, ça reste une mention, mais le fait qu'il n'y ait pas de titre, c'est quand même terrible pour eux. Je suis d'accord, mais tu fais bien de les mentionner. J'avoue que je ne les ai pas écrits, mais j'ai hésité. Maintenant, on va passer à... On a bientôt fini. On s'est donné un petit joker, parce qu'on a dû mettre de côté, vous l'avez compris et entendu, on a dû mettre de côté des joueurs qu'on ne voulait pas mettre de côté. Donc on s'est laissé un slot, un espace pour le chouchou qu'on veut mentionner encore une fois. Après cette équipe, je te laisse dire le tien. Moi il y a pas, je vous ai teasé, j'ai un peu annoncé mon choix, mais mon choix c'est Gaoling, parce que c'est peut-être la meilleure joueuse de double de l'histoire de la Chine, si ce n'est du monde, avec son palmarès. Je suis quand même assez fan de son jeu, et on a beaucoup parlé de son palmarès déjà, mais il y a 2 titres olympiques. 4 médailles olympiques en tout, 4 titres de championne du monde, 9 médailles mondiales. Elle a fait quelque chose d'historique, c'est-à-dire qu'au Jeux d'Asie 2006, elle a gagné le mixte, le double dames et la compétition par équipe, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et quand on sait l'importance des Jeux d'Asie pour les joueurs asiatiques, ça reste quelque chose de, de mythique et peut-être qu'on reverra jamais. Elle est capable de jouer sur deux tableaux et de gagner sur deux tableaux, et c'est aussi ça qui a fait que j'ai choisi de prendre Gaoling comme joker. Ewan, toi, vu que tu l'as titularisé dans ton équipe en mixte, j'imagine que ton joker, c'est un autre joueur ou une autre paire. On en a parlé au début, mais moi, mon choix du cœur, c'est Chen Long. Pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que, bon, déjà, le palmarès, deux fois champion du monde, une fois champion olympique, on l'a dit, une médaille de bronze au JO. Mais aussi parce qu'il a tout simplement réussi à exister en même temps que Lindan, et ça, je trouve ça assez incroyable. On a assez parlé de Lindan pour savoir que voilà, quand il est là, il attire la lumière et les titres aussi, surtout face aux autres Chinois, que ce soit une supériorité naturelle ou alors des choix de la fédération, c'est souvent penché dans sa balance. D'ailleurs, il me semble que Chen Long, il a dû attendre la 7e confrontation contre Lindan pour le battre, ce qui est quand même assez long, même si maintenant ils sont à égalité, me semble-t-il. Mais voilà, Chen Long, parce qu'il a réussi à gagner des titres malgré Lindan. En 2016, à Rio, la lumière était tellement focalisée sur Lindan, Li Chongwei ou la star montante Axelsen, qu'on en a presque oublié que Chen Long il était là et qu'il pouvait réclamer ce titre. Et le match qu'il fait en finale contre Li Chongwei, c'est pour moi une démonstration. Pourquoi Chen Long aussi ? Parce qu'il a su changer un peu de style, comme je le disais. Il est, je trouve, moins défensif aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est toujours pas, on va pas se mentir, le joueur le plus spectaculaire, mais il a une telle consistance sur le terrain, une telle aisance et une telle défense que moi je trouve très très impressionnante. Et en dernier, je dirais pour le personnage que je qualifierais d'anti-Lindan, même si j'ai rien contre Lindan, je trouve que Chen Long il fait plus accessible, il est plus souriant, il brille souvent par son fair play, et voilà, le sourire même dans la défaite. Donc voilà, Chen Long, mon petit coup de cœur. J'ai pas grand chose à rajouter sur Chen Long si ce n'est un petit truc personnel. C'est vrai que moi j'étais pas fan du joueur, et en fait c'est, il faut le dire, à tes côtés dans les tribunes de Coubertin que j'ai appris à l'aimer ces dernières années, et notamment par son léger changement de tactique et de jeu, et j'avoue que moi j'ai appris à l'aimer, et même s'il est pas c'est pas mon joker, ça aurait pu l'être, parce qu'il a eu, comme tu as dit, une carrière incroyable, même si ça reste peu à côté de Lindan. Il a été capable de gagner des titres alors qu'il y avait le plus grand joueur de l'histoire du simple homme à ses côtés. Donc voilà, c'est très personnel et très subjectif, mais j'apprécie beaucoup le joueur. Oui, bah de toute façon, cette partie est encore plus subjective que le reste. Mais ce que je voulais rajouter, même si c'est un peu du bad fiction, c'est que sans Lindan, Chen Long, avec le talent qu'il a, il aurait sûrement plus de titres de champion du monde et peut-être plus de champion olympique, donc de titres de champion olympique. Donc le fait que voilà, il ait réussi à gagner à côté de Lindan, je trouve ça extraordinaire. On parle même pas des titres collectifs. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, on en a quasiment jamais parlé quand on a parlé des Chinois, alors qu'ils sont bien présents, mais parce que la Chine, vous l'avez vu avec ça, ils ont tellement le nombre, ils ont la qualité et la quantité. Donc pendant longtemps, moins maintenant, mais les titres Sudirman Cup, Thomas Cup, Uber Cup, c'était quasiment une formalité, même si voilà, certaines fois le Japon, certaines fois l'Indonésie ont pu un peu les challenger, mais on n'en a pas parlé parce que voilà, c'était une formalité pour les Chinois. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, t'as tout dit, effectivement, il y a eu tellement de titres collectifs que je pense que pour d'autres pays, certains joueurs qui ont amené, ce sera plus important que pour la Chine, où quand un joueur n'était pas présent, le reste de l'équipe était capable d'apporter le titre. Donc non, j'ai rien à ajouter sur le contenu de... On peut peut-être rappeler à nos auditeurs notre équipe titulaire finale pour l'équipe all-time chinoise. Avant qu'on fasse ça, je voulais préciser qu'on a cité énormément de noms, donc ça peut être un peu compliqué comme ça, mais en tout cas, on va rappeler nos équipes types. Allez voir si ça vous intéresse, tapez le Wikipédia pour voir le palmarès, ou juste encore mieux, je trouve, sur YouTube pour voir des matchs, parce que même si c'est pas, c'est plus du bad actuel, entre guillemets, c'est toujours très intéressant de comparer les époques et de voir les styles passés. Je peux rappeler pour nous deux, puisqu'on a la même quasiment. On a en simple homme Lin Dan, que vous connaissez tous, en simple dame Zhang Ning, donc double championne olympique, 5 fois championne du monde. En double homme, Kai Yun et Fu Haifeng, champion olympique également, 5 fois champion du monde, j'ai un trou. En double dame, Gefei et Gu Jun, encore une fois double championne olympique, j'ai l'impression de me répéter, mais voilà, 35 victoires en Super Series. Allez voir leur match vraiment parce que c'était très intéressant. Et en double mixte, on n'a pas le même choix, moi je suis parti sur Gao Ling et Zhang Yun, aussi double championne olympique, alors que toi... tu as préféré Zhang Nan et Zhao Yunlei, champion olympique en 2012. Pour conclure, je voulais juste rappeler que je l'ai déjà dit en introduction, mais c'était juste notre avis, et que si vous écoutez ce podcast, vous pouvez nous donner le vôtre. On apprécierait beaucoup, puisque ce genre de choses, même si on se base sur des trophées, ça reste très subjectif, et peut-être que ce que nous on a choisi, vous avez pas le même. Benoît et moi, on n'était d'ailleurs pas toujours d'accord tout le temps. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Benoît, d'avoir participé. Merci de nous avoir écoutés et merci à toi, Ewan, pour ces débats très intéressants. Même si là, pour le coup, on a été plus souvent d'accord tous les deux, mais ce sera peut-être pas le cas pour d'autres pays. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous écoutez ce podcast et que le format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, puisqu'on va très sûrement le faire pour d'autres pays. Ça pourrait être le Danemark, le Japon, l'Indonésie, mais également la France. On le fera soit à deux, soit avec d'autres intervenants. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez bien aimé ce format. D'ici là, portez-vous bien et puis à la prochaine. Merci à vous, au revoir. 盛放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空。